code le délire. Je fais pas la course au dollar, ni en cavale, ni ex-dollar. Pas de jogging et pas de molar. Je raconte mes joies, mes malheurs, ce que je vois ici ou ailleurs. Mes convictions, mes valeurs, utilise la langue de Molière. Je lève plus de bouche, je lève le majeur. J'ai plus d'air et plus d'allure. Tourne en rond comme le système solaire. Et même ma montre est plus à l'heure. Fin de vie aura pas de jour et tu, je compte battre dans la corrida. Rémi fa sol acido, une vie amère, parole acide. Trop au fond du son pour les fonds, fils. Faut que je passe à front, fond, fond. Pour l'inspi, gros joie dans le front. Faut réfléchir avant d'écrire, remplir la feuille avant d'y croire. Ouvrir les yeux avant de voir clair et quelques années avant d'éclore. Les faux percent en un éclair, tandis que les vrais galères. La colère devient douleur, dont ton esprit remet de la couleur. Les années passent, le temps s'écoule, la monnaie fait que le rap s'écroule. Mes paroles envoient bouler, les mecs ils sont en train de le couler. Le fera un business, tu vas avancer les pifs, laisse de côté la part du gâteau. Laisse place à la finesse, des couplets rime à la vérité, dénonce monde fou, ma banalité, bloqué entre rêve et réalité. Le fera un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse des couplets. Dans les artistes en carton, au fond des disques d'or, leurs missions se sont écartées, le pognon un virus pour leur disque dur. Ce monde, je me sens Keblo, je me sens mal sans Kebla. À deux doigts de péter un cap, transforme ma rage en doublé. Écrire, c'est un besoin, je note mes positions, mes peines, parce que j'ai la tête pleine, mais j'en ferai pas un bise. Je rêve pas de liasse, ni de strass, ni de belle caisse, ni de tasse. Je vois plus loin que vos bêtises, moi la gloire, je vous la laisse. Pas d'agent et pas de l'appel, je mets les cartes sur table, j'annonce la couleur, je trouve pas la monnaie, tu vois le tableau, le rap mon passe-temps, mais surtout un message à passer, je fais ça avec passion, c'était là pour la gloire, passe-t-on. Chemin, arrête ton cinéma, te faire chier en le cas du ciment, le nombre de faux qu'il y a dans le peur, mec, c'est hallucinant. Arrête ton scénar, du succès veut monter les chemins, part de la galère, mais au fond, si loin des chômeurs, c'est jamais le rap, c'est devenu un biz, des rappeurs de films de poule, des paroles débiles, très loin du rap de base. Le fera un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse, découple là. Rime à la vérité, dénonce monde fou, ma banalité, bloqué entre rêve et réalité. Le fera un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse des couplets. Maintenant les artistes en carton font des disques d'or, leurs missions se sont écartées, le pognon un virus pour leur disque dur. Vite la tête sur tes pages, tu ne sais pas te remplir les poches. Je m'inventerai pas 10 piges, 2 onces pour être à la page, tu piges. Je rappe pas pour jouer le voyou, ni pour les pépettes. En fait, j'ai une planète dans la tête et je veux cracher le noyau. Je vise pas les têtes de rayon dans cette industrie d'abrutis. Voir c'est la course au pognon, mon père m'avait averti. Moi j'écris des textes pour me vider la tête, parce que je suis mal dans mes baskets et perdu dans ce monde en plastique. À l'abordage comme Sparrow, puis je viens m'emparer. Un ramassis de paroles que je t'offre en bouquet comme Carole. Chante la terre qui tombe par rond et que ma tête c'est pareil. La hausse des tarots et que l'heure est roi dans ce monde de tarés. Chante l'abri de la ferraille, je brise les portes verrouillées. Chante mon train-train quotidien que je veux faire dérailler. Chante le peur à haut promis, c'est grâce à lui que je me vide le crâne. J'ai trouvé mon vol d'air en grattant le papier comme Voltaire. Le fera un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse, découpe-la. Rime à la vérité, dénonce monde fou, ma banalité, bloqué en rêve et réalité. Le fera un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse, découpe-la. Maintenant les artistes en carton font des disques d'or, leurs missions sont écartées, le pognon un virus pour leur disque dur. Le fera un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse, découpe-la. Rime à la vérité, dénonce monde fou, ma banalité, bloqué entre rêve et réalité. Le pur un business, tu vas avancer les bifs, laisse de côté la part du gâteau, laisse place à la finesse des couplets. Maintenant les artistes en carton font des disques d'or, leurs missions sont écartées, le pognon un virus pour leurs disques durs.